Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, l'étonnante histoire des pirates de la liberté. Au tout début des années 60, en plein cœur de la guerre froide, un luxueux paquebot transatlantique battant pavillon portugais, le Santa Maria, disparaît en pleine nuit au large de la mer des Caraïbes. Dans les jours qui suivent, on apprend que ses 609 passagers et ses 350 membres d'équipage sont aux mains et sous la menace d'une mystérieuse bande de pirates. La nouvelle fait évidemment sensation, et très vite dans la presse, les rumeurs les plus folles circulent. Partout, on cherche à savoir qui sont ces flibustiers des temps modernes, et surtout, quel est leur objectif derrière ce spectaculaire hold-up en haute mer. Pendant plus d'une semaine, une course-poursuite s'engage entre le paquebot détourné et une vingtaine de navires de guerre. Car de Lisbonne à Washington, en passant par Brasilia, Londres, Amsterdam, Moscou et Madrid, chacun semble avoir de bonnes raisons de s'emparer du Santa Maria. Notre invité aujourd'hui, Yves Léonard, historien, chercheur et professeur à Sciences Po. Il est l'auteur de nombreux ouvrages de référence sur le Portugal du XXe siècle. Son dernier livre, Histoire du Portugal contemporain de 1890 à nos jours, est paru en octobre dernier aux éditions Chandaigne. Portugal, oui, car ce pays, figurez-vous, est au centre de notre histoire. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Cara avec l'aide des documentalistes de Radio France. Attachée de production Caroline Debray, coordination Christophe Barrère, lecture Philippe Pierrard, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Mehdi Fatah. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Au micro Jean Piazza. L'affaire remonte à samedi, la nouvelle date de ce matin, et l'histoire est proprement extraordinaire. On en parle dans la rue, on en discute à table ce midi, 8 colonnes dans la presse, oui, le cas du bateau pirate Santa Maria, qui pose en même temps le cas de 600 passagers à la merci du capitaine, fait naître un drame que l'on n'aurait pas osé imaginer à notre époque. Mais il faut tout d'abord commencer par raconter l'histoire, Pierre Lorosic. Dans les premières heures de la matinée, une nouvelle ahurissante s'inscrivait sur tous les téléscripteurs du monde. La Santa Maria, navire portugais de 20 000 tonnes, long de 186 mètres, ayant 600 passagers à bord, était entre les mains de mutins qui s'en étaient emparés par la force. Ils seraient actuellement au large de l'île de la Trinidad, non loin de l'île de la Tortue. Ils ont hissé le pavillon noir. Mercredi 24 janvier 1961. En milieu de journée, la nouvelle du détournement du paquebot Santa Maria fait le tour des rédactions. C'est la radio anglaise, la BBC, qui est la première à annoncer la nouvelle sur ses ondes internationales. Quelques heures plus tôt, un petit canot de sauvetage appartenant au paquebot débarquait plusieurs blessés sur l'île britannique de Sainte-Lucie, dans les Antilles. Pris en charge par les secours, l'un d'eux alertait les autorités. Le navire sur lequel il a été embarqué a été détourné. Toujours selon les premières informations, 70 hommes dont on ne connaît pas la nationalité auraient abordé la Santa Maria 4 jours plus tôt et en pleine nuit. On sait aussi que des échanges de coups de feu ont éclaté à bord pendant l'assaut. Enfin, on apprend que le commando disposerait d'une grande quantité d'armes et notamment de mitrailleuses, de pistolets et de grenades. Dans les heures qui suivent, les dépêches des agences de presse succèdent sur ce qu'on appelle désormais l'affaire des pirates de la Santa Maria. Souvent confuses, parfois contradictoires, ces infos posent plus de questions qu'elles n'apportent de réponses sur ce qui se passe là-bas, sur le paquebot, en haute mer. Pendant ce temps, dans l'opinion, on s'interroge. Où se trouve le bateau? Dans quel état est l'équipage? Les passagers sont-ils bien traités? Y a-t-il d'autres blessés parmi les 950 personnes qui se trouvent toujours à bord? Pour le savoir, Anglais, Américains et Hollandais mobilisent d'importants moyens militaires. Et en l'espace de quelques heures, la mer des Caraïbes et ses petites îles de sable blanc situées entre le Mexique, les États-Unis et les côtes d'Amérique latine devient le théâtre d'une partie de chasse en mer. Ici, un croiseur de guerre patrouille, là, une frégate surveille et sous les eaux turquoises, un sous-marin guette. Enfin, dans les airs, une dizaine d'avions de reconnaissance sillonnent un périmètre grand comme 4 fois la France. En France, justement, et à Paris, des journalistes de l'ORTF tentent d'entrer en contact radio avec les pirates à bord du paquebot. À l'autre bout de la ligne, l'antenne relais de la marine marchande située dans les Antilles françaises leur répond. Allô, bonjour monsieur, nous avons envoyé un message tout à l'heure afin de toucher le paquebot Santa Maria. Message enregistré sous le numéro 22948. Est-ce que vous avez pu arriver à toucher pour nous ce navire? Ça, vous savez que je ne sais pas. Il y a d'ailleurs Saint-Lys Radio, les stations françaises ont un stock de messages. Oui. Le bateau n'a pas l'air de vouloir se décider à répondre. Oui. Il ne vous a pas répondu encore? Non. Il n'y a aucun contact avec nos stations. Aucun contact. Vous savez, je doute fort que vous en ayez. Hein. D'ailleurs, la station est appelée par plusieurs stations, par Fort-de-France. Oui, parce que... Par South Chatham Radio, Massachusetts, là. C'est cela, oui, parce que... Il est rentré en contact avec cette station américaine. Seulement, il ne prend pas de message. Bon, eh bien, écoutez, monsieur, je vous remercie pour votre amabilité. Je vous en prie. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. À Lisbonne, les mines sont crispées et l'atmosphère très tendue. Le paquebot Santa Maria bat en effet pavillon portugais et, à leur très large majorité, les passagers et l'équipage sont des ressortissants de ce pays. Malgré la censure mise en place par le régime du dictateur Antonio de Oliveira Salazar, l'homme qui, rappelons-le, règne sur le Portugal d'une main de fer depuis 30 ans, la nouvelle du détournement apparaît en une des principaux journaux du pays. Les titres de la presse sont pour le moins évocateurs et traduisent une certaine instrumentalisation de l'affaire par le régime. Jugez donc. Des criminels sans scrupules ont pris en otage les passagers innocents d'un navire de luxe, annonce le plus grand quotidien du pays, pleine page et à grand renfort de caractère gras. Complot contre l'humanité en mer des Caraïbes, ose un autre grand journal. Pour seule réaction, le gouvernement portugais annonce, par la voix de son ambassadeur au Brésil, qu'il réclame l'aide de toutes les nations du monde pour retrouver la Santa Maria. Et il précise, dans un élan dramatique, qu'il faut tout entreprendre pour sauver la vie de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants sous le joug de pirates sanguinaires et révoltés. Aux quatre coins du monde, l'opinion internationale suit fascinée l'aventure du paquebot portugais. Des pirates hissant le drapeau noir et voguant vers l'île de la Tortue, l'histoire tient davantage de la légende maritime que de la réalité. D'autant que cela fait plusieurs décennies déjà que la piraterie maritime a disparu des mers du globe, à de rares exceptions près. Des éléments qui poussent donc la presse française notamment à s'y intéresser. Qui sont donc ces flibustiers des temps modernes, s'interroge le journal L'Humanité. Pourquoi ce hold-up en pleine mer, titre l'Aurore. Quelles sont les motivations du commando de pirates, se demande Paris Jour. Sur France Inter, Jean Feugat, président de l'association des pirates retraités, oui, ça existe, et romancier de la mer, se montre, lui, très sceptique sur la version avancée par les Portugais qui parlent de piraterie. La Santa Maria est un paquebot mixte, c'est-à-dire qui prend des passagers et des marchandises, qui fait à peu près 20 000 tonnes, et c'est un bien grand monument pour jouer, n'est-ce pas, pour jouer aux pirates. Comme il ne correspond absolument pas. Il ne correspond pas du tout aux normes du bateau pirate. Ce bateau, qui a à peu près 70 ou 80 hommes d'équipage, a besoin d'énormément de mazout, et s'il est traqué, il ne pourra pas tenir longtemps à la mer. En outre, s'il a besoin de se cacher, il ne peut pas se cacher derrière une île, dans une petite anse, dans une petite baie. C'est exactement comme si on voulait faire de la contrebande avec un autobus. Oui, je vois, donc ça ne peut pas aller très loin. Non, ça ne peut pas aller très loin. Si comme le dit Jean Feugat, bardé de certitudes, si j'ose dire professionnelles, tout semble donc jouer contre les pirates. Et d'ailleurs, pourquoi ces gens ont-ils pris tous les risques pour détourner la Santa Maria? Mais pour de nombreux experts maritimes, et on arrête de plaisanter, il apparaît vite que l'enjeu derrière toute cette affaire est bien plus politique que criminel. En effet, si les pirates avaient été intéressés par l'argent, ils auraient pu monter à bord du navire en pleine nuit, lorsque celui-ci faisait escale sur une petite île. Ils auraient ainsi pu vider les coffres et piller quelques passagers fortunés avant de repartir par le même chemin, quoi, le béaba de la piraterie. Non, non, décidément, la piste criminelle ne tient pas. Alors, si l'acte est politique, par quoi est-il motivé? Pour le comprendre, il faut se replonger dans le contexte de l'époque. Au milieu du XXe siècle, les paquebots, et sans conteste la Santa Maria, l'un des plus grands et des plus modernes de la planète, constituent un élément de prestige, c'est clair. Ils sont à la fois célèbres et glamour. Ils déclenchent, partout où ils passent, une vague de sympathie et un engouement extraordinaire. Rappelez-vous les images de l'arrivée en grande pompe du paquebot France aux États-Unis. À bord de ces bateaux comme la Santa Maria, le gratin des vedettes d'Hollywood côtoie bien souvent les grands chefs d'entreprise et même parfois des ministres en vacances. Le tout au milieu de plusieurs centaines d'autres passagers anonymes. En 1961, les paquebots attirent l'attention des médias. Alors, oui, détourner l'un de ces navires, c'est forcément s'assurer une tribune médiatique exceptionnelle. Et dans le cas de la Santa Maria, qui appartient à la compagnie de navigation coloniale portugaise, et qui assure ici la liaison entre le Venezuela et les États-Unis, avant de retourner à Lisbonne, c'est aussi porter un coup dur au pays dont le drapeau flotte fièrement sur sa poupe, le Portugal. Ce pays dont on ne parle pas tant il pèse peu dans le concert diplomatique. Un pays qui subit depuis des décennies l'une des pires dictatures d'Europe occidentale. Le lendemain matin, jeudi 25 janvier, une tempête tropicale s'abat sur les Caraïbes. Le tonnerre ronde, le vent souffle et la mer est agitée. Au loin, on aperçoit des bâtiments de guerre de la marine américaine. Ils quadrillent le secteur depuis leur base avancée de Porto Rico. Mais après une nuit de recherche, ils n'ont toujours pas réussi à entrer en contact avec la Santa Maria. Le paquebot reste pour le moment introuvable sur les écrans radars et sur les ondes radio. Du côté de l'Europe, et en particulier de la péninsule ibérique, les rumeurs les plus folles circulent. D'abord, minimisée par le régime franquiste en Espagne, l'affaire du détournement du paquebot se retrouve ce matin-là au cœur du débat à Madrid. Et comme ce fut le cas chez le voisin portugais, la presse affirme, elle aussi, qu'il s'agit d'un acte de piraterie haineux. Dans une stratégie de la surenchère, le quotidien espagnol La Vanguardia Española parle déjà de plusieurs dizaines de morts, tous exécutés froidement d'une balle dans la tête par les hommes du commando. Des affirmations avancées sans l'ombre d'une preuve. Toujours dans la capitale madrilène, au palais du Pardo, aux résidences du Caudillo, le secrétaire personnel du général Franco pousse les révélations un peu plus loin. À la surprise générale, il affirme devant la presse que le détournement du Santa Maria serait mené par des hommes d'une organisation paramilitaire secrète qui répond au nom de Drill, une organisation qui serait financée entre autres par Fidel Castro et les révolutionnaires cubains. Le correspondant de France Inter dans la capitale espagnole, Jean Créache, donne des précisions sur ce point. Certains diplomates occidentaux accrédités à Madrid savent à quoi s'en tenir sur cette affaire. J'en ai vu plusieurs et ils possèdent les preuves qu'elle a été organisée par le Drill, qui est le Directoire Révolutionnaire Ibérique de Libération. Ce comité, cette organisation, avait déjà fait parler d'elle au début de l'année dernière. On se souvient peut-être que c'était le Drill qui avait fait éclater des bombes à Madrid et à Saint-Sébastien. Or, cette organisation est financée et armée par Fidel Castro. Les membres appartiennent à toutes sortes de nationalités, ce sont des Cubains, des Espagnols, des Portugais, des Argentins, des Vénézuéliens, etc. Quant à leur affiliation politique, les uns sont anarchistes, les autres communistes dissidents, quelques-uns sont contrôlés par les Soviets, mais il ne semble pas exact de dire que l'organisation soit une antenne de Moscou, ni qu'elle obéisse aux consignes de la JIPROP, mission de propagande des Soviets. Fidel Castro, maintenant les soviétiques, mais c'est peut-être pas les soviétiques, pour le grand public tout cela devient incompréhensible. Alors, ce détournement de la Santa Maria, un nouvel épisode de la guerre froide? À cette époque, on en vient souvent à cette conclusion, à tort ou à raison, presque par réflexe. Et pour de nombreux diplomates, les Espagnols bluffent en parlant d'une implication cubaine, voire d'une possible implication des Soviétiques. Non. Pour eux, la stratégie de Madrid consiste vraisemblablement à encourager les États-Unis à intervenir. Sans doute dans le but de régler à leur place cette médiatique et embarrassante affaire. Embarrassante, oui. Car il se dit déjà en coulisses que certains des membres du commando seraient de nationalité espagnole, justement. Et surtout, ils seraient antifranquistes. Mais le rebondissement de cette journée de détournement ne vient pas de Madrid, non, mais de Lisbonne. Par communiqué, les autorités portugaises annoncent en effet qu'elles connaissent le nom du chef des pirates. Cet homme, âgé d'une cinquantaine d'années, serait un dangereux criminel. De nationalité portugaise, il présenterait une instabilité psychiatrique chronique, pour reprendre les mots du communiqué. Toujours selon les Portugais, cet individu a été condamné à 18 ans de prison pour idées dissidentes, ce qui, dans le Portugal de cette époque, signifie surtout qu'il avait un point de vue différent du régime de Salazar. Et à la une de la presse du soir, on découvre le nom et la photo de cet homme, un certain Henrique Galvan. Ce serait donc lui, le chef des pirates. Pourtant, à lire le profil que dessinent de lui les journalistes, cet homme ne correspond pas tout à fait à l'image de sanguinaire criminel qu'on veut bien lui faire porter. Au contraire, ancien explorateur naturaliste, ancien directeur de la radio publique portugaise, reconverti ensuite en écrivain et dramaturge, le dit Galvan est surtout connu pour appartenir au mouvement de contestation politique en exil en Amérique du Sud. Alors, est-ce vraiment lui qui détient le sort de la Santa Maria et de ses centaines de passagers ? Quelques heures plus tard, en réaction à ce qu'il qualifie d'exemple de propagande antidémocratique du régime salazariste, le commando de pirates réagit et s'exprime pour la première fois. Dans un télégramme diffusé à toutes les agences de presse, le dit Henrique Galvan sort de l'ombre, confirme qu'il a pris le contrôle de la Santa Maria et justifie sa démarche. Premier communiqué officiel du commandement des forces d'occupation du navire Santa Maria à tous les journaux démocratiques du monde. Moi, Henrique Galvan, j'ai pris possession du navire Santa Maria, que j'ai renommé Santa Libertad. Il constitue la première partie libérée du territoire national. L'équipage accepte ce fait accompli comme un acte politique prévu par le droit maritime international et la plus grande partie des passagers considère notre acte avec enthousiasme. Je vous garantis que la tranquillité et la sécurité sont totales à bord. Les passagers et membres d'équipage demandent qu'ils soient communiqués à leurs proches qu'ils vont bien. Nous ne pouvons révéler notre destination puisque les hostilités sont ouvertes avec le gouvernement tyrannique de Salazar. Notre action s'inscrit dans le mouvement de lutte entrepris par notre chef Humberto Delgado. Nous vous remercions pour votre compréhension et saluons le peuple portugais ainsi que les autres peuples opprimés de la péninsule. Et nous les invitons à se joindre à ce grand soulèvement démocratique. Le message est clair et les revendications confirment que le détournement du navire n'a pas de visée criminelle mais bien politique, en l'occurrence contre les dictatures ibériques de Salazar et de Franco. Mais à la surprise générale, ce ne sont pas les Portugais ou les Espagnols qui vont être les premiers à la commenter. Non, c'est un journal nord-américain qui propose d'acheter les mémoires du capitaine Galvan avec droit illimité pour le cinéma, moyennant un chèque de $100,000. Preuve que l'affaire du détournement de la Santa Maria se vit et se suit partout dans le monde comme on suivrait aujourd'hui une série télé. Pendant ce temps, l'immense paquebot de 20 000 tonnes, à la cheminée verte et blanche, continue sa route vers une destination inconnue et tout le monde se demande combien de temps durera cette affaire. À l'heure qu'il est, plusieurs navires de la marine royale hollandaise, après avoir arrêté les recherches, ont repris la direction du large. Les avions, de leur côté, ne sont pas inactifs, tant chez les Néerlandais que chez les Américains, ces derniers survolant la Caraïbe en long et en large, ce qui n'est pas sans intriguer les populations. Quoi qu'il en soit, le seul fait important est évidemment celui que le Santa Maria reste introuvable malgré ce déploiement de force. Mais, sans se fier aux rares informations officielles, on peut déduire par quelques recoupements concernant la direction des navires chasseurs que le Santa Maria se dirige actuellement vers les côtes guyanaises et brésiliennes. Débarquera-t-il ses 600 passagers à Saint-Laurent-du-Maroni, à Cayenne ou à Belém au Brésil? C'est ce que nous ne tarderons pas à savoir. Ici Eddy Edouard, RTF, qui vient de vous parler de Fort-de-France. Like the river I've been running ever since. It's been a long, a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die. 'Cause I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Somebody keep telling me don't hang around. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. Then I go to my brother. Say, brother, help me, please. But he winds up knocking me back down on my knees. Inter actualité. Jean Lefebvre au micro. Suspense dans l'affaire du Santa Maria. Depuis ce matin, le paquebot rebelle portugais a pris le cap sur le Brésil. À 16h cet après-midi, il stoppe ses machines à la limite des eaux territoriales du Brésil. Et là, il attend. Il attend apparemment un signe d'amitié du gouvernement brésilien. Dans 48 heures, en effet, ce gouvernement brésilien change. Kubitschek passe ses pouvoirs à Quadros. Or, Quadros déclare, dans l'après-midi, « Galvão est mon ami, il peut se réfugier ici. » Mais ceci dans 48 heures. Or, le temps presse. La marine portugaise a reçu l'ordre de couler, si besoin est, le Santa Maria. En dernière minute, je viens d'apprendre que le Santa Maria reprend sa route vers le Brésil. La radio clandestine avec laquelle il est en liaison au Brésil vient de l'inviter à gagner immédiatement Recife. Lundi 30 janvier 1961, quelque part au large de Recife. Voilà 9 jours que la Santa Maria est aux mains d'un groupe de pirates. Avec Galvan, une vingtaine d'hommes forment les rangs du petit commando, pour la plupart des Portugais et des Espagnols antifranquistes. Galvan et ses hommes veulent dénoncer sur la scène internationale les deux dictatures ibériques, dernier régime autoritaire en Europe de l'Ouest, maintenant c'est très clair. Depuis plusieurs jours, bien sûr, tous les regards sont tournés vers la mer des Caraïbes et dans l'Atlantique Sud où le paquebot détourné a finalement été repéré par un cargo danois non loin des côtes brésiliennes. Puis, suivi à distance par un avion de reconnaissance de l'US Air Force. Il a été rejoint par une dizaine de bâtiments de guerre américains et depuis, il navigue à faible allure, mais sous bonne garde. Dans la cabine du commandant qu'ils ont investi, les pirates savent désormais qu'ils ont gagné la bataille de l'image. Depuis le début de l'affaire, ils ont reçu des télégrammes de soutien provenant du monde entier. Et la presse, dans son ensemble, consacre leur aventure sa une jour après jour. Alors, du côté de Galvan et de ses hommes, on cherche une sortie honorable et sans coup de feu. En face d'eux, des émissaires des États-Unis et du Brésil se tiennent prêts. Le FBI a en effet découvert qu'une centaine de ressortissants américains étaient inscrits sur le manifeste de bord. À Washington, l'administration du président Kennedy souhaite donc éviter que la situation ne dégénère et surtout qu'elle ne se termine en bain de sang dans une zone de surcroît où les États-Unis maintiennent un fort contrôle militaire. En même temps, un tel scénario est-il envisageable ? Eh bien oui, car dans les arcanes de la diplomatie, il se dit qu'à Lisbonne, Salazar, excédé par la tournure que prend l'affaire, est prêt à tout pour en terminer et, je le cite, « appliquer les bonnes vieilles lois de la mer et ainsi pendre en haut d'un mât Galvan et tous ses complices ». Le lendemain, mardi 31 janvier, tandis qu'à bord de la Santa Maria, les négociations se poursuivent, de leur côté, des journalistes de la RTF parviennent à interviewer le lieutenant de Sunza, l'un des cinq marins blessés par balle pendant l'assaut du commando. Évacué et hospitalisé sur l'île de Sainte-Lucie, il parle à moitié conscient. Combien de marins, ou plutôt combien de mutins, de passagers, ont pris part à cette mutinerie ? Des personnes, je ne sais pas. Il y en avait 100 à peu près. Je ne sais pas. À peu près une centaine. Mais étiez-vous dans le coma quand vous avez débarqué ou bien... Je viens dans le coma. Et vous étiez combien dans cette barque ? J'avais 8. Cet homme, le plus blessé des deux, avait 3 balles dans la poitrine et encore de maigres connaissances de la langue française. Grâce au témoignage du lieutenant de Sunza et des 4 autres marins, le grand public découvre ainsi les coulisses de toute cette opération dont le nom de code est Dulciné. Voilà le scénario. La majorité des pirates auraient ainsi embarqué en se faisant passer pour des passagers lambda lors du départ du navire au Venezuela. Puis d'autres hommes, dont leur chef Enrique Galvan, les auraient rejoints lors de l'escale sur la petite île de Curacan. La nuit suivante, une fusillade aurait éclaté au niveau du pont supérieur. C'est à ce moment précis que le lieutenant de Sunza a été pris pour cible par les pirates. Mais à la surprise générale, le jeune homme affirme que les hommes ne tiraient pas contre lui, mais contre d'autres pirates. Bon, on apprendra par la suite que dans la précipitation et avec l'obscurité, un premier groupe d'assaillants a cru faire face à d'autres hommes en armes. Ils se sont donc tirés dessus, avant de se rendre compte qu'ils étaient dans le même camp. Si l'information prête à sourire, elle révèle surtout que les membres de l'équipage, blessés par balles, ne l'ont pas été intentionnellement durant l'assaut. Le commando n'était donc pas assoiffé de sang et révolté, comme l'affirmera par la suite la presse espagnole et portugaise. Toujours grâce au témoignage des marins blessés, on découvre le véritable but de l'opération montée par Enrique Galvan et ses hommes. À la base, l'idée était de prendre le navire, puis de débarquer les passagers et enfin d'emmener la Santa Maria sur la colonie espagnole de Fernando Po, une île située de l'autre côté de l'Atlantique, en Guinée équatoriale, au large de l'Afrique. Le but étant de libérer ce territoire. Ensuite, il s'agissait de déclencher et de conduire une insurrection populaire dans les autres colonies à proximité, et notamment en Angola, contre l'Empire portugais. Mais 3 événements vont mettre à mal ce plan. Le premier, c'est bien sûr la fusillade à bord du navire qui a obligé les pirates à débarquer les blessés à Sainte-Lucie et donc à se faire repérer. La seconde, c'est une fausse information qui avait fait croire aux commandos que les caves de la Santa Maria regorgeaient d'armes, ce qui n'était pas le cas. Le troisième et dernier obstacle aura été l'impossibilité pour eux de communiquer par radio avec les autres assaillants déjà présents, eux, en Afrique. Face à une opération qui ne pouvait qu'échouer, Galvan et ses hommes ont donc tenté le tout pour le tout et transformé leur action en un détournement, une chambre d'écho internationale pour dénoncer les dictatures salazaristes et franquistes. Jeudi 2 février 1961, après 12 jours d'une interminable aventure, à 13h55 heure française, les Américains annoncent qu'un accord a enfin été trouvé avec le commandant Galvan et les pirates de la Santa Maria. Les passagers vont donc être débarqués et le commando accepte de son côté d'abandonner le paquebot. Dans les heures qui suivent, toujours escorté par un impressionnant dispositif de la marine américaine, la Santa Maria, qui stationnait jusque-là à la limite des 3000 nautiques, remonte l'ancre et reprend la mer jusqu'au port de Recife, à la pointe est du Brésil. Sur place, des centaines de journalistes venus du monde entier l'attendent. Sous le regard des soldats de l'armée brésilienne, des milliers de personnes se rapprochent du quai sur lequel le paquebot doit s'amarrer. Quelques minutes plus tard, l'immense navire de 20 000 tonnes manœuvre et stationne. La passerelle descend, les passagers avec leurs valises quittent le navire. L'accueil est populaire, il est même festif. Les gens chantent et font de grands signes de la main. Sur place, Daniel Garrick, envoyé spécial de l'ORTF, raconte. Elle est terminée, l'aventure du Santa Maria. Terminée à tout point de vue. Cette nuit, la ville de Recife s'est augmentée d'un millier d'habitants. Les membres de l'équipage et les passagers. Tout à l'heure, il est vraisemblable que les 25 rebelles, ayant à leur tête le capitaine Galvan, prendront eux aussi le chemin de Recife. Pour le moment, ils sont encore à bord. Hier soir, je suis allé les voir. J'ai pris l'apéritif avec eux. C'était quelque chose d'assez extraordinaire que ces hommes qui se sont emparés d'un navire. Ils ont réussi pendant 15 jours à faire croire qu'ils étaient 70, 80, je ne sais pas. En réalité, ils n'ont jamais dépassé le nombre de 25. Autre chose extraordinaire, c'est leur âge. Il n'y a pas un seul rebelle qui ait entre 25 et 60 ans. Ou ils ont moins, ou ils ont plus. Ils étaient en tenue kaki, en tenue avec l'uniforme du drill, le directoire révolutionnaire ibérique de libération, c'est-à-dire une chemise et un pantalon kaki, et des brassards rouges et verts. Le lendemain, comme convenu, après avoir reçu confirmation de leur droit d'asile politique au Brésil, les pirates relâchent l'équipage. Dans l'heure qui suit, Henrique Galvan et ses hommes quittent solennellement et sans entrave la Santa Maria, remettant les clés du navire au nouveau président brésilien, Da Silva Quadros. Deux semaines plus tard, le 16 février 1961, le paquebot Santa Maria revient en grande pompe dans le port de Lisbonne. Plus de 100 000 personnes sont là pour l'accueillir. Le régime portugais tente de récupérer l'affaire à son avantage et organise une grande fête pour rendre hommage aux membres de l'équipage blessé et à l'un d'eux qui est mort quelques jours plus tôt à l'hôpital. Pour l'occasion, Antonio de Oliveira Salazar est là et il prend la parole à la tribune sous les applaudissements de la foule, bien sûr. Les ex-otages sur l'otage, c'est avec cette grande fête, ce discours et ces chants que s'achève le détournement le plus célèbre de l'histoire maritime au XXe siècle, celui des pirates de la liberté, comme le raconte le correspondant de l'ORTF à Lisbonne, Paul Savreux. On peut dire que sur des kilomètres, la foule portugaise est venue assister au retour du bateau qui lui a donné tant d'émotions pendant une dizaine de jours. Tous les remorqueurs disponibles du port de Lisbonne, les embarcations de plaisance, les barques de tout format, tous sont allés à la rencontre sur le Tage, vers la mer, à la rencontre du paquebot Santa Maria. Dans le remorqueur qui nous a précédés, sont montés maintenant à bord du Santa Maria les personnages officiels, compagnie de navigation, le ministre de la Marine Marchande et d'autres personnalités. On entend maintenant le bord du bord. La l'hymne nationale portugaise. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel, argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Je vous lâche des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres, des Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, les pirates de la liberté, le détournement du paquebot Santa Maria. Notre invité, Yves Léonard, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, chercheur et professeur à Sciences Po Paris. Vous êtes un spécialiste de l'histoire du Portugal, puisque vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages de référence sur le sujet. Je vais citer le dernier, hein. Histoire du Portugal contemporain de 1890 à nos jours, paru en octobre dernier aux éditions Chandaigne. Alors, au milieu des années 60 et même jusqu'à la milieu des années 70, ça va perdurer jusque-là. Dans cette Europe occidentale, cet océan de démocratie, bah, il y a deux dictatures occidentales, et puis il y en aura une troisième avec le régime des colonels, hein, en 74, en Grèce. Pourtant, ce ne sont pas les mêmes dictatures. Quand il prend le pouvoir, je crois savoir que Salazar n'est pas fasciste en tant que tel, qu'il n'a pas les yeux tournés vers le siège social du fascisme, si j'ose dire, en Italie à l'époque. C'est autre chose, il n'y a pas non plus de culte de la personnalité. Quelle est donc la nature de ce régime de Salazar? C'est une dictature très, très atypique, très singulière, parce que Salazar lui-même, il n'est pas chef d'un grand parti, il n'est pas un militaire, il n'a pas combattu pendant la Grande Guerre, par exemple. Il est issu d'un milieu très humble, puisqu'il vient de l'intérieur du pays, d'un milieu assez rural. Il a fait de brillantes études, il est professeur d'université à Coimbra, la grande université portugaise. Et il est le représentant influent, mais pas très connu quand même, du Centre catholique, qui est un petit parti. Et c'est autour de ça, d'une critique de la République, des institutions républicaines, une République parlementaire, très inspirée du modèle français, qu'il va développer toute une critique du régime dans les années 1920, et c'est d'installer un régime à son image. C'est vraiment quelque chose qui lui ressemble, construit sur d'abord une pensée religieuse très profonde, un catholicisme militant. D'ailleurs, pardon, la devise du Portugal à l'époque, c'est Dieu, famille, patrie. Oui. Il y a quelque chose qui nous fait penser peut-être voilà. Au régime pétainiste d'ailleurs. Voilà, le régime de Pétain reprendra un certain nombre d'idées, et d'ailleurs Pétain lui-même avouera sa grande admiration pour Salazar. Donc Salazar, il se nourrit d'une pensée contre-révolutionnaire, très réactionnaire, et il va installer un régime au début des années 1930, ce qu'on appelle l'État Nouveau, qui est un régime qui est corporatiste, comme on dit à l'époque, et qui est surtout organisé autour de ces grandes valeurs que sont le travail, la famille, la patrie, Dieu, et pour lui, évidemment, et l'autorité. Voilà les cinq grands principes du régime salazariste. Et lui-même reste un petit peu toujours à l'arrière-plan. Il ne se met pas tant que ça en avant. Il y a un chef de l'État qui occupe un peu les médias, on dirait. Lui est plutôt un personnage de l'ombre, l'homme un peu invisible, mais qui tire toutes les ficelles et qui, évidemment, s'appuie sur une police politique extrêmement organisée, celle qu'on appellera plus tard la PIDE, et un régime d'oppression avec l'absence de liberté publique, l'absence d'élections véritables et toute une organisation extrêmement coercitive, privative de liberté. Et l'habileté de Salazar, ça va être de franchir le cap de la Seconde Guerre mondiale. Alors justement, on va très bien, mais juste on s'arrête un peu sur la Seconde Guerre mondiale, où on a la péninsule ibérique, Portugal et Espagne qui sont dans une posture neutre. Enfin, il y a des neutralités plus ou moins neutres, hein, quand même. Salazar fait les yeux doux à Hitler et en même temps, il tient beaucoup à son alliance avec l'Angleterre. Donc c'est quand même une position compliquée, ça. Ça, c'est la pierre angulaire de la diplomatie portugaise. Toujours rappeler l'alliance avec la Grande-Bretagne. Et Salazar, dès le début du conflit, dit voilà, on ne remettra pas en question l'alliance avec la Grande-Bretagne qui dure depuis plusieurs siècles, qui a connu des hauts et des bas, mais qui a toujours été réaffirmée. Et en même temps, effectivement, il va concéder quelques avantages, quelques clins d'œil appuyés en direction des puissances de l'Axe. en concédant des facilités pour le commerce du tungstène, du wolfram, mmh. dans une partie du pays. Et puis, en même temps, avec les Anglais notamment, il va s'intéresser, il va leur concéder des avantages sur la base des Açores. Parce que la grande bataille qui est en train de se développer, évidemment, le contrôle de l'Atlantique est central. Et pour cela, le Portugal de Salazar a des atouts énormes. Ces atouts, ce sont ses îles, les Açores et Madère et le Cap-Vert. Et donc, l'argument que va utiliser, l'outil que va utiliser Salazar, ça va être la négociation sur les Açores. Et il va faire traîner, il va essayer d'obtenir à chaque fois un peu plus, au point d'irriter fortement les Britanniques. Anthony Eden, qui est le chef de la diplomatie britannique à l'époque, sans parler de Churchill, sont très contrariés par l'attitude de Salazar. Et en même temps, donc à l'été 1943, il peut plus faire autrement, il va signer un accord, qui sera rendu public un peu plus tardivement, qui permet aux Anglais d'être sur les bases des Açores. Bien, donc je reprends le fil que vous aviez déroulé vous-même. On était après la Seconde Guerre mondiale et on va arriver dans la période qui nous intéresse. Quelle était la suite de votre discours concernant le Portugal? Donc après la guerre, qu'est-ce qui se passe? Alors après la guerre, Salazar va célébrer une victoire qui n'est pas forcément la sienne, mais comme il a donné des gages aux Alliés, les Alliés ne vont pas chercher à le renverser en 1945. Et il va avoir pour lui un contexte international qui va être très porteur, la guerre froide. C'est dans ce contexte de guerre froide qu'il va pouvoir rebondir. Et rebondir parce que lui, à la différence de l'Espagne, il est plus fréquentable que le voisin espagnol, que Franco. Ouais. Et donc en 1949, il va devenir le Portugal membre fondateur de l'OTAN et s'intégrer dans le système de défense atlantique, de défense occidentale. Et il devient très très courtisé. On va à Lisbonne, beaucoup de chefs de gouvernement, chefs d'État rendent visite à Salazar parce que, au moins jusqu'en 1955, eh bien, le Portugal de Salazar est l'interlocuteur privilégié des Occidentaux en péninsule ibérique. Alors, quelle est la différence? Après, on arrivera à notre affaire et les conséquences pour le régime. À part cette différence géopolitique, quelle est la différence de nature entre les régimes de Franco et de Salazar? Alors, d'abord les fondements. Salazar n'est pas arrivé sur fond de guerre civile. Il n'y a déjà pas oui. eu ces combats fratricides qui ont posé et qui ont fait des centaines de milliers de morts et des séquelles, des traumatismes en cascade. Ensuite, Salazar a cherché à dissuader Franco pendant la Seconde Guerre mondiale d'entrer trop en guerre. Il cherchait à neutraliser la péninsule ibérique. Il savait bien que Franco avait des intérêts, des affinités électives très prononcées avec les puissances de l'Axe, avec l'Allemagne nazie. Salazar donc a joué un rôle un petit peu d'apaiser un petit peu la situation. Ensuite, il y a beaucoup évidemment d'affinités, d'analogies. Les deux dictateurs ne se ressemblaient pas du tout. Franco avait beaucoup d'admiration pour Salazar. L'inverse était plus à nuancer. Salazar considérait que lui, il était professeur d'université et que finalement, Franco n'était jamais qu'un militaire, qu'un officier et tout juste bon à fomenter des coups d'État, des casernes. Donc Salazar avait toujours vis-à-vis de Franco un sentiment de grande supériorité. Mais les seuls voyages que Salazar a fait à l'étranger, il n'en a pas fait beaucoup, il en a fait trois, c'est pour aller en Espagne. C'est pas très loin. Toujours à la frontière, vers Séville ou des coins comme ça. En plus. Donc, une complicité, bien évidemment, mais un sentiment de supériorité et toujours chez Salazar la volonté de mettre en avant son pays. C'est pour ça qu'entre 1949 et le début des années 1960, ça va être sinon un âge d'or, mais une période assez faste pour la diplomatie portugaise par rapport à la situation que connaît l'Espagne. Bien, alors, quelles conséquences a l'affaire que nous venons de raconter sur le régime salazariste? Est-ce qu'il y a vraiment un préjudice? Indéniablement, parce que l'année 1960 a été celle un petit peu de la fin d'un cycle. On a commémoré un passé glorieux, le cinquième centenaire de l'infant Henri, qui était ce grand supposé navigateur, mais celui qui avait donné l'impulsion des découvertes au XVe siècle. Il était mort en 1460, donc en 1960, on avait célébré. Il y avait eu des grandes manifestations, beaucoup de personnalités étaient venues à Lisbonne. Eisenhower, le président américain, était venu. Et donc ça marque la fin d'un cycle, mais un cycle qui avait été précédé déjà de signes avant-coureurs, de contestation du régime. Delgado, qui joue un rôle dans l'affaire du Santa Maria, Delgado, le général Delgado, se présente en 1958 à l'élection présidentielle. Alors évidemment, Salazar va tout faire pour que ça ne marche pas, et il sera battu, mais c'est une onde de choc, on parlera d'un tremblement de terre. C'est-à-dire qu'il y a une opposition, quoi. Il y a une opposition. Ce qui, dans un régime de dictature, est déjà... Avec beaucoup de risques, puisque ce sont des élections sans choix, il y avait un candidat unique. Mais Delgado, avec beaucoup de courage et de détermination, s'est présenté. Il a obtenu un certain pourcentage des voix, parce que tout ça, évidemment, a été un peu arrangé, mais il a marqué un point, des points très importants qui vont rester dans la mémoire collective. Il y a l'évêque de Porto, en 1959, qui s'était insurgé contre l'évolution du régime. Et donc, l'année 1960 marque un petit peu un passage de cap. 1961, le début de l'année 1961, c'est le Santa Maria. Et ça, l'affaire du Santa Maria, c'est un coup de semonce, on vient de le voir, absolument extraordinaire, la captation des médias internationaux sur ce régime. Est-ce que les motivations de Galvan, qui sont donc bien politiques, sont plus tournées vers la dimension coloniale du Portugal que vers la nature du régime, ou peut-être les deux? En fait, c'est les deux. Galvan, c'est à l'origine, c'est quelqu'un qui a été très proche du régime dans les années 1930. Il a fait l'apologie de l'empire colonial. Il a lui-même été le responsable de l'exposition coloniale de Porto en 1934, de la section coloniale de l'exposition du monde portugais en 1940. Il a été le directeur de la Radio Nationale quand elle a été créée en 1935. Et il a produit un nombre incroyable de romans, d'essais sur les colonies. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment, et qui a vécu sur place aussi, qui connaît bien, qui a vécu en Angola. Et après la Seconde Guerre mondiale, il y a un double phénomène. Il devient critique à l'égard de l'évolution même du régime, et aussi, il devient de plus en plus peut-être lucide, et puis aussi peut-être par... c'est un personnage à très forte personnalité, il va s'opposer aussi à la question sur les questions coloniales. Et donc, tout au long des années 1950, il est en porte-à-faux avec le régime, à tel point qu'il est condamné à plusieurs reprises pour... déviance, enfin il pense pas bien, quoi, en gros, Galvan. Et quand il prend le Santa Maria, il y a à la fois l'idée de faire quelque chose en direction des colonies, l'Angola notamment, mais plutôt une action de type anti-salazariste plutôt qu'anti-colonial. Voilà, donc, ce qui va prendre le pas, question, mais... on est plutôt sur une approche de critique du régime. Et ensuite, évidemment, sur le fait colonial. Mais c'est quelqu'un qui connaît bien ces questions coloniales, parce qu'il a été un peu le porte-voix dans les années 1930 du régime salazariste là-dessus. Alors écoutez sa voix, tiens, justement la voix d'Enrique Galvan. Alors il s'exprime quelques années après l'affaire et dénonce, bien sûr, le colonialisme du Portugal. Tendez l'oreille, l'accent est à couper au couteau, hein. Tendez, mais l'intérêt c'est d'entendre sa voix. En conséquence, tous ces termes, Provence ultramarine, sont de la mystification pure. Pure mystification. Aujourd'hui, Salazar a des colonies. A des colonies. Et pas plus que colonies. Et des colonies dans un état bien plus arriéré qu'il y avait en 1926. Alors, la particularité d'un régime autoritaire, d'une dictature, c'est qu'il n'y a pas d'opinion publique. En fait, il y a une opinion publique, mais elle n'a pas le droit de s'exprimer. Mais elle n'en pense pas moins, certainement. Donc, il y a quand même pas mal de Portugais qui ont dû voir en Galvan une espèce de héros émancipateur. Peut-être d'ailleurs a-t-il été, bien des années après, considéré comme ça. Alors, déjà dans l'année 1961, quelques jours presque au même moment, il y a un manifeste qui va être rédigé par des opposants au régime, plutôt très républicain et plutôt proche du mouvement socialiste. Et on retrouve à la plume parmi ses signataires Mario Soares, Mario Soares, qui est décédé il y a quelques jours. Et donc, on voit bien qu'à ce moment-là, des choses cristallisent. Galvan va recommencer une opération tout à fait étonnante au mois de novembre 1961. Il va être l'instigateur du premier détournement aérien, sinon de l'histoire, mais au moins au Portugal. Il y a un avion de la TAP, la compagnie aérienne portugaise, qui va être détourné au mois de novembre 1961. C'est le vol Casablanca-Lisbonne. Et ils vont faire encore du mouvement autour de ça pour montrer l'opposition au régime. C'est quelqu'un qui sait mobiliser l'opinion. Alors, dire qu'il a été ensuite l'un des inspirateurs ou que son influence a été très forte tout au long des années 60 jusqu'à la révolution des œillets, ça serait excessif. La personnalité qui va vraiment jouer un rôle dans ce sens, c'est le général Delgado. Delgado qui a été associé à cette affaire du Santa Maria, mais qui va rester dans l'image populaire et dans la conscience collective comme l'un des opposants clés à Salazar. Et quelles sont les relations? Parce qu'on voit que le Brésil est évidemment impliqué à son corps défendant dans cette affaire. Ce sont des pays frères par la langue. Hein. Quelles sont leurs relations à l'époque? Oui, deux pays frères séparés par la même langue. C'est ça, oui. Mais alors, les relations ont été plutôt bonnes et très proches, même de proximité, dans les années 1950. parce qu'il y avait d'abord des affinités électives depuis pas mal d'années. Il y avait des régimes fort peu démocratiques des deux côtés de l'Atlantique. Et il y a un accord, un traité qui avait été signé en 1953, qui symbolisait un peu ce rapprochement. Kubitschek, dont on a parlé, a été une personnalité accueillie à Lisbonne. Il est venu, accueilli avec beaucoup d'égards et d'acclamations de la foule dans les rues de Lisbonne. Et puis les choses ont commencé un petit peu à se détériorer, justement au moment de l'affaire du Santa Maria, pour des raisons de politique intérieure brésilienne, puisque ceux qui vont être en responsabilité au Brésil sont plutôt critiques à l'égard du régime salazariste. C'est le cas notamment du président Quadros, qui arrive au pouvoir, qui prend ses fonctions au moment où le Santa Maria est arraisonné. Après Kubitschek. Après Kubitschek, et puis João Goulart, qui va prendre la suite, parce qu'il va être très peu de temps au pouvoir. Donc, ce sont des relations complexes, parce que le Brésil, à l'époque, commence à prendre la voix, la parole aussi des peuples qui luttent pour leur indépendance. Mmh. Alors, c'est très ambivalent, parce qu'ils ne vont pas jusqu'à condamner totalement la politique colonial de Salazar, mais en même temps, plus que dans les années 50, ils prennent leur distance. Alors, on va parler quand même rapidement, s'il vous plaît, parce que l'heure tourne et que je voudrais qu'on ait le temps aussi de parler du Portugal d'aujourd'hui pendant 2 ou 3 minutes. La révolution des œillets. Bon, voilà, le régime tombe en 74, elle commence avant, elle commence en 73. Salazar n'est plus au pouvoir, d'ailleurs. Il est mort. C'est pour ça qu'il est plus au pouvoir, effectivement. Donc, c'est une révolution des œillets, mais c'est quand même une junte qui, c'est comme des militaires qui prennent le pouvoir. Elle est assez atypique, cette révolution. Totalement atypiques, ce sont des jeunes officiers qui sont battus justement sur le front colonial, qui considèrent que c'est une impasse politique plus qu'une impasse militaire et qui, face aux difficultés, l'absence d'évolution politique du régime, vont décider de faire un coup d'État. Et ce coup d'État va être absolument extraordinaire parce qu'en une journée, le régime salazariste, Caetano, qui était le président du Conseil, va être renversé dans une ambiance assez pacifique. Très peu de morts, et avec ces fameux œillets donc, qui ornent les boutonnières et les fusils des soldats, des jeunes officiers, qui ont fait ce coup d'État. Et le programme des officiers, c'est de dire, mais on va démocratiser, on va décoloniser, on va développer, mais on va démocratiser. C'est quand même rare que des officiers fassent un coup d'État renverser une dictature et promouvoir la démocratie. Bien sûr. Il nous reste 2 minutes pour parler du Portugal d'aujourd'hui. Alors le Portugal a été sévèrement secoué par la crise de 2008. Il s'en est sorti tout seul comme un grand, j'ai envie de dire. Contrairement à l'Irlande du Nord, qui a eu d'autres méthodes, on va dire. Le Portugal, où en est le Portugal aujourd'hui, tout simplement? Comment va-t-il? Alors, la période début d'année 2010 jusqu'à 2015 a été extrêmement rude, parce qu'il y a une cure d'austérité, une véritable purge qui a été imposée au Portugal, avec notamment la Troïka, ce qu'on appelle la Troïka, avec des mesures donc extrêmement restrictives qui ont été imposées au Portugal, qui a très mal vécu cette période, et qui en même temps a su prouver sa société civile, l'inventivité de cette société civile. On dit beaucoup la résilience, parce que c'est peut-être au cœur aussi de cette histoire longue du Portugal, cette capacité à rebondir, à faire preuve d'une résilience étonnante. Eh bien, une fois de plus, ces derniers mois, le Portugal a retrouvé le chemin d'une croissance timide, mais une croissance réelle, a réussi à sortir de la tutelle de la Troïka et a installé au pouvoir aussi une coalition politique qui est tout à fait singulière à l'échelle européenne, puisque c'est un gouvernement de gauche composite qui est aujourd'hui au pouvoir à Lisbonne et qui réussit à la fois à desserrer l'étreinte de l'austérité et en même temps essayer de respecter un certain nombre de contraintes et d'enjeux européens. Toute dernière chose, que pèse le Portugal dans le concert international? Alors, il a pesé avec le président de la Commission de Bruxelles, ça c'est important. Qu'est-ce que pèse le Portugal? Aujourd'hui, il y a d'abord une figure qui vient d'être désignée élue secrétaire général des Nations Unies, c'est un Portugais, c'est la première fois de l'histoire, donc ça donne aussi une résonance, une image très positive du après du pays. Barroso en Europe, voilà exactement. Guterres, qui a été l'ancien Premier ministre au Portugal, qui est aujourd'hui le secrétaire général des Nations Unies. Le Portugal, il pèse, c'est un pays, on dit petit, 10 millions d'habitants et un peu plus, mais surtout, il a d'une part cette richesse culturelle et historique, et il a aussi cette capacité de la langue. La lusophonie qui lui permet d'avoir aussi, en dehors du cadre européen, en complément du cadre européen, une vision planétaire. Merci infiniment, merci pour toutes ces précisions sur le Portugal, ce pays que vous connaissez si bien. Merci, au revoir.